Les blocs fissurés parlent encore, chaque mur garde l'empreinte des corps. Je marche seul sous les lampadaires, chaque pas pèse, chaque souffle est amer. High de skill trace sa voix dans la nuit, chaque mot tombe lourd et précis. La pluie dessine des lignes au sol, chaque silence devient symbole. Un stream est perdu dans le flux, un homme noyé parmi des millions. Mais ici chaque mot que je tue revient plus fort comme une confession. J'avance même quand tout s'effondre, même sans tête, même dans l'ombre. Les jambes coupées, la voix s'élève. Chaque instant brûle, chaque instant crève. I am the wall you can't erase, the very rhythm carved in stone. Half thunder, half lullaby, the fire I call my own. Born of silence, carved in flame, written in scars. In truth, I am writer, skill eternal. And I speak because of you. Les néons crachent des lueurs brisées. Chaque regard devient glacé. Je parle vrai, je parle cru. Même si ça choque, même si ça tue. Je cherche rien, ni trône, ni gloire. Seulement des voix pour écrire l'histoire. Chaque vue devient lumière. Chaque échange un sanctuaire. Les années passent, les flux s'enchaînent. Mais je tiens bon même dans la peine. Un vieil écho dans vos écrans. Un cri sincère porté par le temps. Je suis rayé de ski, l'ombre qui reste. Chaque mot frappe comme une veste. Je marche encore, même oublié. Car chaque mot me fait exister. I am the wall you can't erase. The rhythm I'm carved in stone. Half thunder, half lullaby. The fire I call my own. Born of silence. Carved in flame. Written in scars. In truth, I am writer, skill eternal. And I speak. Sous la pluie, les murs s'effacent. Chaque horizon devient menace. Chaque regard, chaque vibration se grave en moi comme confession. Je ne cherche pas la pitié. Je tends mes mots pour exister. Même seule, ma voix persiste. Chaque silence devient artiste. I am the one. Silence. Carved in flame. Written in scars. In truth, I am writer, skill eternal. And I speak because of you. I am the echo through the streets. The heartbeat you can't let go. Half tempest, half lullaby. The voice you'll always know. Made of passion, carved in scars. Sous les étoiles, je marche encore. Chaque vibraire chaud traverse vos corps. Je suis Rider Skill, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Même oublié, je chante ma voix. Même effacé, je reste là.